Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. L'Airbus A340 se pose en douceur à Narita. Le ciel est gris. Il fait lourd et humide. Maintenant, je marche vite dans les dédales de couloirs. Je n'ai jamais vu un aéroport aussi désert. J'ai l'impression d'être le dernier homme sur Terre. Ce n'est pas faux. Ça fait des semaines que les Japonais n'ont pas vu un Occidental entrer dans leur pays. Depuis le 11 mars exactement. Le 11 mars 2011, le jour de la catastrophe. Drame national, mais aussi tragédie mondiale qui révèle, 20 ans après l'accident de Tchernobyl, la vraie face des pays riches, industrialisés. Ils ont les moyens de rayer de la carte toute vie humaine. Je ne viens pas là en touriste ni en journaliste avide de sensations fortes. Je suis écrivain, et si je suis ici aujourd'hui, le 17 avril 2011, c'est pour écrire un livre sur Godzilla. Qui ? Godzilla. C'est un monstre du cinéma japonais qui apparaît dans une trentaine de films sur 50 ans, de 1954 à 2004. Ça fait bientôt 2 ans que j'étudie le cas de Godzilla, et bientôt 1 an que ce voyage est prévu, et bientôt 6 mois que je me documente sur l'histoire du Japon. Et il aura fallu cette catastrophe à 280 km de Tokyo. Oui, c'est cela. Il aura fallu que ça se produise quelques semaines avant mon arrivée. C'est une aubaine pour un écrivain. En tout cas, c'est ce que pense l'Institut français, à en croire ce mail. Cher ami, à la veille de votre départ pour Tokyo, je voudrais vous dire combien je vous suis reconnaissant de maintenir votre séjour et combien il est important que vous veniez en ces temps difficiles. Si l'engagement artistique a un sens, le Japon est certainement le Iketnunk par excellence. Signé Bob Neal. Maintenant, je prends la navette de l'aéroport jusqu'au quartier de Kagurazaka, où se trouve l'Institut français. Le directeur m'accueille. Bonjour. C'est vous qui êtes sur les traces de Godzilla ? Oui. Guy Commerson, je suis écrivain. Je me présente. Neal. Bob Neal. Vous avez fait un bon voyage ? Oui, merci. Autant vous le dire tout de suite, vous êtes le premier Français à venir depuis le 11 mars. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai tenu jusque-là. Dès que la nouvelle de la destruction de la centrale de Fukushima est tombée, ils sont tous rentrés en France. Les techniciens et les ingénieurs d'Areva les premiers, puis les artistes en résidence à la Villa Kujoyama. Vous logerez dans la chambre de Roland Barthes. C'est là qu'il a commencé d'écrire « L'Empire des Signes » en 1970. Tous les Français qu'on accueille logent là. J'espère que son esprit communiquera avec vous. Au Japon, les esprits des morts communiquent avec les vivants. Vous le saviez ? Non. Installez-vous. À demain. Dans la chambre, il y a un futon et des paravents. Le parquet est ciré. On m'a expliqué qu'avant d'entrer, je dois retirer mes chaussures. Je défais ma valise et je me couche. Je tombe comme une masse à cause du décalage horaire. À 4 heures du matin, je me réveille et je regarde sur mon MacBook Pro Godzilla d'Ishiro Honda. Je ne compte plus les fois où j'ai visionné ce film. Il est sorti au Japon en novembre 1954. Voici le pitch. Un bateau de pêcheurs de thon qui est en pleine mer est exposé à des radiations provoquées par des essais nucléaires de l'armée américaine. Puis, un monstre qui sommeille dans le Pacifique est irradié. Il se réveille, en colère, et surgit sur l'île d'Odo. Les insulaires évoquent une légende locale, et les scientifiques venus enquêter émettent l'hypothèse d'un animal préhistorique mi-gorille, mi-baleine. Godzilla est un mot valise composé de gorille et baleine. Mais il s'avère qu'il ressemble davantage à un lézard sur deux pattes. Puis Godzilla atteint Tokyo en passant par la baie et détruit la ville. Comme la radioactivité l'a doté d'un souffle atomique qui brûle tout sur son passage et qu'il est gigantesque, rien ne lui résiste. À la fin du film, il est tué grâce à un chimiste borgne qui a inventé une arme capable d'absorber l'oxygène, l'Oxygen Destroyer. Puis, tout à coup, je sens des vibrations étranges. Je mets le film sur pause et j'attends. C'est une onde qui se propage très vite dans toute la chambre. Voilà, c'est une secousse. J'ai peur. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau tremblement de terre. Ça a duré 3 ou 4 secondes. Il est 5h20. Je finis de m'habiller et je me fais un thé en sachet. En milieu de matinée, je vais à la librairie de l'Institut et j'achète L'Empire des Signes. Tant qu'à être dans la chambre de Roland Barthes, autant le lire. Puis je m'installe en terrasse et regarde les images, pas le texte. Alors, cette première nuit à Tokyo, bien dormi ? Il y a eu une secousse très forte et j'ai eu très peur. Ça va être comme ça pendant tout ton séjour. Ce sont des répliques. Quand elles sont fortes, il ne faut pas sortir, mais se tenir sous l'encadrement de la porte d'entrée. Puis quand ça cesse, il faut filer. Est-ce qu'il y a un danger concernant la radioactivité ? Non, il n'y a plus rien à craindre. La veille de mon départ, un ami m'a dit que dans un pays en guerre, il y a toujours des zones protégées. Tandis que dans le cas d'un pays contaminé, le danger est partout. Certains Japonais disent aussi que d'ici un an, un tremblement de terre touchera Tokyo à 70%. The Big One. Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Avec Mohamed Rouabi, Gabriel Dufay. Équipe de réalisation, Olivier Dupré, Mathieu Perrot, Viviane Demeyer, Jack Taroni.